Toujours à l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée, le président de l'Association d'amitié Thaïlande-Corée a publié le 30 avril un entretien. Dans son entretien, il a témoigné la vénération sans borne au président Kim Il-sung et à son excellence Monsieur Kim Jong-il à l'occasion du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Il s'est exprimé convaincu du plus grand succès du Parti du Travail de Corée sous la direction de son excellence Monsieur Kim Jong-un.